Zulis. Ramener du lot, j'écoutais, je suis omnubilé par les infos, par les sans fond. De savoir combien il y a d'hommes mutilés, de guerres dans le monde, de catastrophes. Des gens qui se permettent d'enseigner, j'aurais mis une patate à strophe. On fait la paix, en espérant le prix Nobel. À ce qui paraît, se faire caler pour un boulot. Parce qu'on nous juge d'après nos gueules, ça va changer pas l'intuition. Garde au bois, même les taffes baissent dehors derrière un buisson. Impuissant, ça parle de business, de drogue. Des docteurs, bande d'acteurs, car leur taf peut paraître obscur. La misère et les gens se disent, maintenant c'est le pétard qui m'assure. Qu'est-ce que tu me sors, je redis ce qu'a dit Bruno Mazur. Expliquez-moi, j'entends 2 millions à Van Gogh. Alors que pour même pas 100 balles, tu baisses plus de 10 filles à Bangkok ou au Cambodge. Donne-moi un badge, je fais reporter, j'analyse avant de repartir. Ce qui paraît, la défense, c'est pas l'attaque en politique. Des rumeurs, mais combien pour nous qui se dépensent. Vu que les trois quarts s'enfoncent, on s'enfonce dans. On fait sûr qu'il faut que le matin, j'écoute la radio que le matin. Pense à Rabanne, quel mytho à ce qui paraît. On se fait si j'ai bien endurci. Je te jure, j'ai entendu dire ça, moi-même Rino, PKR, Chigan et Dixa. À ce qui paraît, j'ai entendu dire que la vie était facile, que j'avais les mêmes droits que Bernard. Qu'ici tout était possible, mais je crois de moi dans mon perma. J'ai entendu que la tôle servait, que l'épicier de la coke servait. Que les Schmitt vont le 43 faisaient qu'observer. On m'a dit, faut que tu tapes pour réussir. T'as pas fait ça, je voulais pas le subir. Que j'étais pas le meilleur, mais je sais que je suis sûrement pas le pire. Il paraîtrait que pour un bédon, on t'arrêterait. Que les travelots, y'en a des frais. Pour 10 francs, ces meufs sus, y'a des refs qui mettent plus. Paraîtrait qu'y a pas de bavure, la habla dans la Bavaria. Les jeunes, experts en visage gravure, la meule assis bagaria. Ici c'est chum comme la choune d'une chienne. Que c'est un sky ou fun, que les sous obtiennent. On m'a dit qu'y a pas d'avenir. Au stopo, au franc, j'aurais pas dû venir. Que c'est dur tenir quand les Schmitt mettent sur les nerfs. Et qu'obtenir le fric, vite peut pas leur faire. Meurs en 16 rimes, rap en série 16 crimes. J'ai entendu dire que les mecs de presse ils foquent pour faire des sex rimes. Et la prière, rap en l'eau, lis les textes, la rime, lis les frères effectifs, lourds et pèse. Prestige mon vieux, y'a pas d'anomalie. Meurs en 16 rimes, rap en série 16 crimes. J'ai entendu dire que les mecs de presse ils foquent pour faire des sex rimes. Et la prière, rap en l'eau, lis les textes, la rime, lis les frères effectifs, lourds et pèse. Prestige mon vieux, y'a pas d'anomalie. Je me crois quand ma vision, mon instinct me guide à chaque instant. Je vide, mon esprit devient plus sain. Je rêve d'être plus puissant, level plus sain à chaque seconde. Un mort par battement de cœur à mon insu. La vie est une insulte, les criminels insultent, la mort, est-ce bien ou pas, je m'en fous, j'ai pas à être d'accord. Ou contre, j'élimine les questions sans intérêt. J'ai déjà vu l'envers du décor, sans importance. Tout ce que j'entends dire, dans le passé, les anciens l'entendèrent. Des signes apparaissent et certains te préviennent en tant que frère. Dès que des bombes ou des mines sautent à l'écran, des enfants et des femmes décèdent. Les soldats descendent, des innocents, blasés du pire et lassés de la peur. Même si tu restes pur, ça te mènera nulle part. Le prix à payer est trop cher, vivre plus que bien. On se contente de ce qu'on a, c'est déjà mieux que rien. J'ai entendu dire que ça paye de paiera. Il paraît qu'il en faut un max. J'ai entendu dire que les mecs s'apitoient à se froisser. J'ai entendu des mecs chelous bien défoncés. J'ai continué mon chemin tranquille pour que ça soit tracé. J'ai entendu c'était tendu de marcher tout seul. Normal en groupe tu te sens plus fort, cousin t'as la grande gueule. J'ai entendu de bons sons morts à la radio. Des mecs qui parlent stress sans cesse, sort pas de la cité. À qui la faute, j'ai entendu dire c'est de la société. Mais où on va, où on est, cousin j'entends trop de choses. Ce monde explose, ça part marquer, c'est au ralenti. Moi j'ai ma sortie, faut pas que je me blesse dans les orties. Emeraude je le suis et je le serai. Jusqu'au bout, debout, c'est ce qu'il faut faire pour ne pas tomber de l'échelle. T'as bien vu qu'on vise là-haut. Eh bonhomme, on a le niveau, on a le niveau. Meurs en 16 rimes, rap en série 16 crimes. J'ai entendu dire que les mecs de presse ils foquent pour faire des sex rimes. Et la prière, rap en l'eau, lis les textes, la rime, lis les frères effectifs, lourds et pèse. Prestige mon vieux, y'a pas d'anomalie. Meurs en 16 rimes, rap en série 16 crimes. J'ai entendu dire que les mecs de presse ils foquent pour faire des sex rimes. Et la prière, rap en l'eau, lis les textes, la rime, lis les frères effectifs, lourds et pèse. Prestige mon vieux, y'a pas d'anomalie. À ce qui paraît. À ce qui paraît.